Écouter un écrivain, entendre son œuvre, des entretiens, des lectures. Un été d'écrivain, c'est tout l'été sur France Culture entre 20h et 21h. Des auteurs français, des auteurs étrangers. Annie Ernaux, Antonio Lobo-Antonèche, André Brink, Jean Dormesson, Lydie Salvet, Olivier Rollin. Et toute cette semaine, Arnaud Laporte s'entretient avec Jean-Philippe Toussaint. Cette semaine, Arnaud Laporte rencontre Jean-Philippe Toussaint. Ce soir, disparaître. Pour ce dernier de nos entretiens à voix nue, Jean-Philippe Toussaint, j'ai beaucoup hésité sur le verbe à l'infinitif que j'allais vous soumettre comme titre pour cet épisode. Alors j'ai pensé à finir, c'était un peu facile. Fuir, mais j'y reviendrai par ailleurs. J'ai pensé à vieillir, mais il y a d'autres façons peut-être d'y arriver. Alors j'ai finalement choisi le verbe disparaître. Qu'est-ce qui vous inspire comme ça, sans autre question ? La première image qui me vient, c'est peut-être la disparition du narrateur à l'île d'Elbe. Donc j'essaye de résumer, le narrateur est en Chine, Marie l'appelle... Marie, sa compagne, l'appelle au téléphone et lui apprend que son père est mort, que le père de Marie est mort, et le narrateur regagne l'île d'Elbe, ce qui n'est pas très facile, de Chine c'est assez long. Il arrive à l'île d'Elbe, il se rend aux obsèques sans avoir prévenu Marie, il rentre dans l'église, il regarde Marie de loin et il disparaît. Et la suite que j'avais imaginez, c'est que on le suivait dans Portoferraille, en train de déambuler, un peu perdu, puisque s'étant échappé d'un enterrement, qu'est-ce qu'il allait faire ? Donc, j'étais dans une logique habituelle de mes romans, c'est-à-dire que je suis le narrateur. Et à un moment, je me suis dit, mais est-ce que ce ne serait pas plus intéressant de suivre Marie ? Et je me suis dit, oui, c'est plus intéressant de suivre Marie. Donc, j'ai laissé un peu de temps. Donc, j'avais fini le roman. J'avais le passage plus ou moins esquissé, pas complètement écrit, mais du narrateur qui se promenait dans une sorte d'errance dans Portoferraille, où il voyait, il passait de café en café, où il y avait une Ferrari rouge qui tournait sur tous les téléviseurs, qui était la Ferrari de Michael Schumacher, le pauvre Schumacher, dont on entend... qui a eu un accident au début de l'année, là. Eh bien, qui était à l'époque pilote de Formule 1. Donc il y avait une sorte de ride, de Portoferraille au désert, un dimanche, etc. J'avais à peine esquissé, je n'avais pas tout écrit. Et je me suis dit, non, je vais plutôt suivre Marie. Et donc, c'était assez curieux, c'est que Marie cherchait le narrateur. Et donc c'est la première fois que je me suis dit, c'est très intéressant parce que... Donc, j'écrivais toujours, on est dans un roman à la première personne, et Marie me cherchait. Déjà, le « me » est un peu curieux, et notamment une phrase qui est un peu vertigineuse, c'est « mais où étais-je ?» puisque c'est Marie qui cherche. Alors, à la troisième personne, ça ne pose aucun problème. Marie cherche et se dit « mais où était X ?» le nom de la personne. Mais si cette personne, c'est « je », c'est « mais où étais-je ?» Et donc, il y a quelque chose d'assez vertigineux qui m'a extraordinairement intéressé. Comment dirais-je, ce tour de force durait 3-4 pages, mais je me suis dit, pour le roman suivant, je vais peut-être continuer et je vais peut-être faire disparaître le narrateur sur une plus grande échelle. Et c'est ce qui se passe dans le roman La vérité sur Marie, c'est qu'à un moment, le narrateur disparaît de la fiction. La phrase qui annonce ça, c'est « basta avec moi maintenant ». Et puis on suit Marie avec Jean-Christophe de Gé. Et le narrateur, il a disparu. Et ça ne dure pas 3 pages, ça dure 30, 40 pages. Tout l'épisode du pur sang qu'on ramène en Europe, qu'on amène à Narita. Marie se trouve avec Jean-Christophe de Gé. Donc on est dans un roman à la troisième personne. Le narrateur a disparu. Et en même temps, ce statut du narrateur ayant disparu est très mystérieux parce que d'une certaine façon, il rôde quand même, il est quand même là, puisqu'il c'est lui qui écrit. Enfin, jusqu'à présent, c'est toujours lui qui écrit, et simplement, il a disparu. Donc, sa présence. Alors, on peut se dire, c'est lui qui imagine ça. Mais comment il le sait, puisqu'il n'était pas là? Enfin, il y a tout un des questions qui m'ont intéressé sur ce thème de disparaître. Mais est-ce que, je saute un peu différentes questions, mais j'y reviendrai, Jean-Philippe Toussaint, est-ce qu'il y a la tentation, ou il y a pu avoir la tentation pour vous, comme personne, de disparaître? Parce que on sait votre attachement à la Corse c'est quand même un lieu très propice à la disparition. On peut penser aussi à l'Asie comme un endroit où se perdre dans la foule de Tokyo, par exemple. Est-ce que c'est une tentation chez vous? Je n'irai peut-être pas, à titre privé, jusqu'à disparaître. Me tenir à l'écart me suffit. Je retiendrai mon goût de l'ombre. C'est vrai que même lorsqu'un de mes livres sort, bon, je ne suis pas trop exposé parce que j'apparais pratiquement jamais à la télévision. Mais il se trouve que même mon visage peut être connu simplement par des photos parues dans la presse, ça me fait un peu peur. Donc c'est vrai que je suis. Alors je n'irai pas jusqu'à dire que j'ai un fantasme de disparaître, mais je tiens quand même à rester assez en dehors, assez incognito, assez. Alors je pense à ça maintenant, c'est dans un livre des Schnauzes, il y a un titre fabuleux d'un livre qui est How to disappear and never to be found. Comment disparaître et ne jamais être retrouvé. Donc c'est une sorte de manuel. Et j'imagine, ça a un côté très vertigineux. Je ne sais pas ce qu'il y a dans ce livre, mais j'imagine assez bien les Américains écrivant un livre une sorte de mode d'emploi manuel de la parfaite disparition. Alors, si on décline un peu cette idée de disparition et de disparaître, il pourrait y avoir la disparition de Jean-Philippe Toussaint en tant qu'écrivain. Vous l'avez évoqué précédemment dans ces entretiens, mais après tout, pourquoi est-ce qu'il y aurait toujours un livre après celui qu'on a écrit? Est-ce qu'il pourrait y avoir un moment où l'écriture disparaîtrait? C'est pas inenvisageable. C'est un petit peu effrayant comme perspective pour moi. En même temps, je pourrais légitimement me dire, ben voilà, je viens de terminer le cycle de Marie. Je vois pas ce que je pourrais ajouter. Tout est dit. Bon, en même temps, c'est le défi aussi. C'est de dire, bon, maintenant, que faire? Mais cette question de que faire, je me la suis souvent posée. Alors, pendant l'écriture du cycle de Marie, d'une certaine façon, pendant 2 ou 3 livres, je savais qu'il y aurait le livre suivant. Enfin, donc c'était assez confortable. Et donc, je dirais que depuis une dizaine d'années, j'ai eu une sorte de situation assez confortable en me disant qu'après un livre, il y aura un autre, puisque ce cycle, je l'imaginais, et même à un moment, je l'imaginais encore plus vaste, avec peut-être encore 2 ou 3 volets. Mais dès lors que j'ai maintenant décidé de l'arrêter, je me trouve face à un grand vide. Et donc, ça, c'est pas nécessairement très rassurant comme perspective. Et en même temps, le fait que ce ne soit pas rassurant est peut-être ce qu'il y a de particulièrement tonique. C'est justement peut-être parce que c'est angoissant que je vais trouver une solution qui sera productrice de quelque chose d'inattendu et peut-être qui me permettra de me renouveler, parce qu'en fait, il y a aussi cette idée-là, c'est que si je n'ai pas envie de refaire ce que j'ai déjà fait, et donc, et comme j'ai déjà maintenant fait beaucoup de choses, la question est à chaque fois plus difficile. Et je pense que, ayant fini, je ne veux pas dire à l'instant, mais presque, ce cycle de Marie qui m'a pris plus de 10 ans, C'est sûr que la prochaine marche, elle n'est pas, le parcours n'est pas tout tracé. Donc je pense qu'il y aura une période assez longue, enfin je dis minimum 6 mois, mais sans doute 1 an, peut-être 2 ans, où je vais vraiment m'interroger sur ce que je vais écrire et si je vais écrire. À la suite de la difficulté rencontrée à écrire La Réticence, un livre dont on a parlé précédemment, vous n'avez pas publié entre 1991 et 1997. Comment est-ce que vous avez vécu ces années-là, vous? J'ai arrêté de fumer. Alors, c'est vrai que, comme je dirais, conséquence annexe, j'ai arrêté d'écrire aussi. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait quand même assez nettement le fait que écrire était lié à la cigarette. Enfin, et donc, le fait d'arrêter de fumer, ça n'a pas été aussi facile que ça. Et outre, bon, c'est un des aspects, mais il y en a aussi un autre, c'est que La Réticence a été mon premier et mon seul livre mal accueilli. Et que ça m'a affecté. Et je dirais presque que j'ai un peu fait la gueule, j'ai un peu boudé, j'ai dit bon ben si vous n'aimez pas, je n'écrirai plus Je presque. disparais. Mais c'est ça, je me fais désirer peut-être, enfin ça ne sera pas aussi simple que ça, je vais pas. Si vous n'aimez pas, vous allez attendre. Bon, plutôt, plus sérieusement, j'ai eu d'énormes difficultés à écrire La Réticence. Et c'est, je crois, le seul moment où écrire a été vraiment douloureux. Et sur une longue période, parce que l'écriture du livre a duré 2 ans, et ça a été, dans l'ensemble, plutôt douloureux tout le temps, enfin, l'écriture de La Réticence. Et j'ai décidé que je n'écrirais plus de cette façon-là, c'est-à-dire qu'en fait, que je n'écrirais plus que si il y a un élan qui me porte. Et donc, c'est vrai que d'une certaine façon, ma manière de procéder, ma manière d'écrire, a changé, c'est peut-être à partir de là qu'est née toute cette réflexion sur l'urgence et la patience, que il y avait tout ce moment, en gros, au moment de la réticence, j'écrivais tout le temps, c'est-à-dire tous les jours, sans interruption, et tous les jours, j'essayais d'écrire. Et à partir de là, j'ai changé, et donc j'ai commencé à ne pas écrire. Comme on a déjà cité la phrase de la télévision, dans la perspective même d'écrire, ne pas écrire est au moins aussi important qu'écrire. Et donc ne pas écrire, ben voilà, j'ai commencé à l'appliquer. Donc il y a eu, à partir de ce moment-là, de longues périodes où je n'ai pas écrit. Et ne pas écrire dans la perspective d'écrire. Donc c'était une façon de le mettre vraiment en pratique. Bon, il se trouve aussi que j'ai fait quelques films. J'ai quand même réalisé la Sévillane et la Patinoire. Et j'ai fait un film en Allemagne. Donc j'ai quand même. Alors j'ai peut-être disparu. Point de vue comme écrivain, mais j'étais actif comme cinéaste à ce moment-là. C'est sans doute la période où j'étais le plus actif comme cinéaste. Parce que contrairement à Samuel Beckett, vous n'êtes pas bon qu'à ça. Vous pouvez faire autre chose qu'écrire. Dire oui est un peu Ah, présomptueux, mais bon, je ne sais pas comment m'en sortir. Il bon, faudrait que je alors. trouve, il faudrait que je trouve une formule. Gardons la formule pour une autre fois. Mais toujours sur la question de la disparition et de l'écriture, Jean-Philippe Toussaint, pour votre exposition au Louvre, vous aviez réalisé une œuvre avec Patrick Socquet, dont on a déjà parlé à propos de votre site internet, une œuvre qui s'intitulait L'Enfer. Avant la question qui suit, peut-être décrire cette œuvre. Oui, alors en parallèle d'un exemplaire très rare de la comédie de Dante, ce qui est le Dante de Landino, qui appartient à la collection de Rothschild et qu'on a montré, qui est une des pièces les plus rares et les plus précieuses de la collection de Rothschild, je l'ai exposé en relation avec 9 tablettes électroniques sur lesquelles défilait le chant 3 de Dante, parce qu'il y avait aussi, on avait une planche illustrée et agrandie du chant 3 en italien, illustrée par Botticelli, je crois. Et on a mis en regard 9 tablettes électroniques avec la traduction de ce texte en 9 langues. Et donc le texte tournait, il y avait un petit logiciel qui faisait tourner en 4-5 pages, mais l'idée que j'ai eue, c'était que, puisqu'il s'agissait de l'enfer, le texte ayant tourné, les pages, une page, 2 pages, 3 pages, 4 pages, commençait tout doucement à prendre feu en vidéo. Et petit à petit, le feu gagnait. Et donc finalement, ces 9 écrans, ces 9 tablettes prenaient tout feu. Et à un moment, il n'y avait plus que le feu. Mais c'était cyclique. C'est-à-dire qu'une fois que le feu avait tout emporté, le texte renaissait de ses cendres et le cycle reprenait et le texte de Dante recommençait. Donc c'était un vrai cycle. Et ça m'intéressait parce que selon qu'on soit optimiste ou pessimiste, on pouvait avoir des vues différentes. Si on est pessimiste, on pouvait dire, ben voilà, c'est une très belle métaphore de l'écrit de nos jours. Il disparaît, il prend feu, il n'y a plus d'écrit. Et puis après, on peut dire, oui, mais le regard optimiste dit, ben oui, mais il renaît de ses cendres, il y a une transformation, il est en train de. Il y a une métamorphose, il y a quelque chose qui se passe. Et donc, je trouvais que ce travail que j'ai fait en collaboration avec Patrick Socquet, parce qu'il est très difficile techniquement à faire, c'est-à-dire qu'en fait, il fallait créer des masques, parce que faire prendre feu à un texte en vidéo, c'est pas aussi facile que ça, surtout que si on superpose du feu et un texte, ça va, mais en fait, il faut qu'on donne l'impression que le feu gagne du terrain, et donc le texte doit disparaître. S'il reste, ça ne marche pas. Donc il y a eu des tas de complexités techniques qui ont été résolues par Patrick Socquet. Alors je suis du côté des optimistes, forcément, mais pour une raison simple, c'est que dans cette même exposition au Louvre, vous exposiez le manuscrit dans l'attendant Godot de Beckett. Donc pour moi, il y avait quand même l'idée qu'il y avait la croyance que l'écrit ne disparaît jamais. Oui, il y avait aussi une raison affective. Ce manuscrit dans l'attendant Godot, c'était très émouvant pour moi de l'avoir dans l'exposition. Et aussi une sorte de paradoxe, c'était que l'exposition dans son entier était un hommage au livre, mais il n'y avait jamais de texte. Donc c'était un hommage au livre sans passer par l'écrit. Et les seules lignes manuscrites, finalement, c'était ces quelques lignes de Beckett dans l'attendant Godot. Quand le manuscrit est arrivé, très protégé par les conservateurs de la Bibliothèque nationale qui l'ont défait de ses multiples couches protectrices, le fait, on m'a remis des gants que j'ai enfilés et puis j'ai ouvert le manuscrit dans l'attendant Godot, ce cahier d'écolier dans lequel Beckett a écrit à la main en attendant Godot, bah c'était quelque chose de très émouvant. Et puis il n'y a pas tant d'occasions que ça d'être ému par la littérature, physiquement ému, enfin, je veux dire, de tourner ses pages. C'était un contact avec l'œuvre de Beckett, mais plus largement avec la personne de Beckett. Enfin, je sentais qu'il y avait quelque chose de très oui, émouvant. Disparaître, Jean-Philippe Toussaint, c'est aussi fuir, titre d'un livre, s'enfuir. On a évoqué précédemment des scènes de fuite, comme celle sur la moto dans Pékin. On a parlé de ce pur sang qui essaie de s'échapper sur les pistes de l'aéroport de Tokyo. Mais il y a aussi beaucoup de trains, beaucoup d'avions, beaucoup de bateaux dans vos livres. Fuir, partir, disparaître, c'est une figure romanesque quand même que vous affectionnez. Oui, c'est-à-dire vous avez choisi de disparaître, moi j'ai choisi fuir comme verbe, comme infinitif. Et cette idée de fuir, c'est assez amusant parce que j'ai pas trouvé le titre tout de suite. Par exemple, faire l'amour, c'était le point de départ. La première chose que j'ai tracée comme lettre, c'était faire l'amour. Je me suis dit, bah, voici un beau projet de livre. J'étais assez content de me dire, je vais écrire un livre qui s'appelle Faire l'amour. Et puis au début, j'osais pas trop le dire. Comment il s'appelait, je me souviens, avant qu'il sorte, quelqu'un m'a dit, et ton livre, comment s'appelle-t-il? Moi, vraiment, tout doucement, je disais, faire l'amour, presque en rougissant, j'osais pas. Maintenant, je le dis beaucoup plus simplement, c'est devenu très. Il avait une sorte d'un côté un peu sulfureux, ce titre, au départ, faire l'amour. Fuir, j'avais pas trouvé le titre tout de suite, et lorsque j'ai fini de lire, je l'ai relu, j'ai encore réfléchi, et j'ai trouvé le titre, le bon titre, Fuir, une fois que le livre était complètement terminé. Et je me suis dit, mais c'est quand même curieux que je ne l'ai pas trouvé tout de suite, parce que c'est formidable comment il s'applique à ce livre. Il y a une vraie suite, une vraie scène de fuite à trois sur une moto. Il y a le moment où il fuit l'enterrement, que j'ai évoqué tout à l'heure. Il y a plusieurs moments de fuite évidentes. Et puis, d'une certaine façon, je me suis dit, mais plus largement, dans tous mes livres, il y a ce phénomène de fuite. On peut même dire que la salle de bain, le personnage, le narrateur de la salle de bain, fuit d'une certaine façon le réel, la réalité, en s'isolant dans cette salle de bain. Et donc, j'ai été comme ça de plus en plus loin, en me disant, mais fuir, jusqu'à, dans un entretien que j'ai fait avec Chen Tong, mon éditeur chinois, j'ai été au bout de cette idée et lui dire, mais peut-être que écrire, c'est fuir. Le fait d'écrire, c'est d'une certaine façon, c'est je m'isole en tout cas de la réalité du monde. En tout cas, quand j'écris, je suis isolé et c'est peut-être une façon de fuir. Et donc, je me suis dit, bah, finalement, c'est peut-être le titre le plus emblématique de tous mes livres. Et voilà, c'est drôle, c'est que je n'ai pas trouvé tout de suite. Mais si écrire, c'est fuir, on pourrait dire aussi que lire, c'est fuir. Parce que faire un aparté peut-être sur une série de photos, aimer lire, alors deux verbes à l'infinitif, c'est très bien Jean-Philippe Toussaint pour cette série d'entretiens. Vous avez photographié depuis plusieurs années votre femme, votre fille, votre fils lisant. Alors il se trouve que votre fille lit les Pensées de Pascal, que votre fils lit les Rêveries du promeneur solitaire de Rousseau, que votre femme lit, elle est très Un peu de tout, un corporate, peu de tout. mais elle lit des éditions de Minuit, hein, ce qui est quand Non, même. mais un peu de tout, il y a même Dante à la Mais il y fin. a Dante aussi. Lire pour s'extraire du monde, pour disparaître du monde aussi. Il est vrai que... Surtout les rêveries et les pensées, enfin, c'est quand même pas rien Oui, comme non, choix. c'est vrai, et la lecture est une sorte de protection contre un retrait dans l'imaginaire. Donc c'est vrai qu'il y a... C'est peut-être pour ça que j'aime autant écrire, c'est peut-être pour ça que j'aime autant lire, et c'est peut-être que cette idée qui est pour moi... fondatrice, puisque le premier livre que j'ai écrit, c'est La salle de bain, et c'est un personnage qui se réfugie dans la salle de bain, qui ne sort plus de la salle de bain, donc et puis, je dirais, c'est presque le premier enclos, cette salle de bain. Le deuxième enclos, c'est l'esprit, c'est le cerveau. Et j'ai beaucoup travaillé sur cette idée de... sur le cerveau, sur ce qui se passe dans le cerveau pendant la lecture. Mais je pense qu'il y a une sorte de retraite, de lieu intime, et finalement, ça, c'est quelque chose qui m'a toujours occupé comme écrivain, d'être très bien dans cet espace protégé qui est mon propre esprit. Et en effet, je le vis très intensément quand j'écris. Mais c'est sans doute la même chose qui se passe quand on lit. C'est qu'il y a en effet un isolement de la réalité qui peut faire souffrir. Le propre de la réalité, c'est qu'elle peut faire souffrir, et de l'imaginaire, c'est qu'il est rassurant. Et donc finalement, il y a une sorte de logique pour moi de ce retrait est logique. C'est une façon de se protéger. Et donc je l'ai ressenti, peut-être pas consciemment, mais dès le début. Je pense que c'est pas du tout un hasard que mon personnage, dès le début, ait cherché un espace clos où se retrancher. Parce que cet espace clos, bon, il peut avoir plusieurs significations symboliques, mais ça peut être aussi simplement l'esprit, le monde clos de son propre esprit, de son propre cerveau. Et ça j'y ai toujours pensé, et même dans plusieurs de mes livres, je parle de la pensée. Notamment dans l'appareil photo, mais il y a un très long paragraphe sur la pensée. Et en fait, on peut presque remplacer le verbe penser par le verbe écrire. Et en fait, c'est cette façon qu'il y a quelque chose d'extrêmement rassurant dans le fait d'être isolé, retranché du monde extérieur menaçant, et suivre l'écoulement miraculeux de sa propre pensée. Disparaître, alors pour ne pas souffrir, mais la disparition ultime, c'est la mort, la sienne, celle des proches. Quel rapport vous entretenez avec ce qui nous, ce qui nous est assigné à tous? Je crois assez simplement que ça me fait un peu peur, et que je préfère ne pas trop me pencher sur la question, mais qu'en même temps, d'une certaine façon, je m'y prépare. Et j'aime beaucoup la citation, enfin, je crois, de Léonard de Vinci, que Claude Simon a utilisé en exergue d'un de ses livres. C'est je pensais apprendre à vivre, j'apprenais à mourir. Et je trouve c'est très beau, parce que c'est que d'une certaine façon, tout au long de sa vie, on croit qu'on est toujours vers la découverte de nouvelles choses et qu'on est toujours tendu vers quelque chose qu'on a toujours quelque chose à apprendre, à se perfectionner vers la vie et qu'on ne voit pas venir finalement la mort qui se rapproche. Et je trouve dans cette phrase de Léonard de Vinci, on a de façon très belle le double mouvement. Enfin, il y a un double mouvement, c'est-à-dire qu'à la fois on se rapproche inexorablement de la mort, qu'on le veuille ou non, et en même temps on poursuit son chemin dans la vie, inexorablement, et qu'à un moment, les deux vont se rencontrer, inexorablement. Et l'écrivain, l'artiste qui disparaît, est-ce qu'il n'a pas l'espoir, en toute immodestie quand même, que son œuvre, elle ne disparaisse pas? Oui, je pense que c'est un grand réconfort. Ça me plaît beaucoup, mais je pense qu'il vaut mieux en profiter de son vivant, en tout cas par la pensée, parce que une fois qu'on sera mort, on ne savourera pas tous les agréments de sa propre, comment dirais-je, survie. Parce que c'est vrai que c'est un réconfort. Moi, enfin, en tout cas, ça me plaît bien d'imaginer qu'on pourra me lire une fois que je serai mort, parce qu'il y a cette force très grande et évidente que j'étais vivant quand je l'ai écrit, et que ce moment-là, c'est-à-dire qu'il y aura toujours la rencontre, que je sois vivant ou mort. D'une certaine façon, je suis déjà mort aujourd'hui. Lorsque vous lisez, par exemple, même mon dernier livre, Nu, le vivant que j'étais écrivant Nu est mort. Donc finalement, il n'y a pas une énorme différence à être vivant ou mort du point de vue des livres qu'on a déjà écrits. Et donc de ce point de vue-là, on peut presque imaginer ce que sera, comment on sera lu une fois qu'on sera vraiment mort. Puisqu'en fait, en gros, il n'y a pas beaucoup de différence. J'essaie peut-être de me rassurer par ce sophisme. Mais à propos de sophisme, il y a une définition du cinéma qu'on n'a pas abordée quand on a parlé du verbe regarder. Jean-Philippe Toussaint, c'est la mort, c'est pas la mort, le cinéma, lapsus. Non, mais justement, j'y viens. Le cinéma, c'est filmer la mort au travail. Ah oui. Oui, mais je vois pas beaucoup de rapport avec la mort dans le cinéma. Enfin, c'est pas quelque chose que c'est pas une phrase que je comprends tellement. Enfin, pour moi, le cinéma est très vivant. D'ailleurs, tout est très vivant. Alors finalement, peut-être que le verbe... Je suis contre la mort, en Vous êtes contre la fait. mort. C'est une bonne déclaration quasi finale, Jean-Philippe Toussaint, pour ce cycle d'entretien à voix nue. Mais le verbe préféré, alors aujourd'hui, c'est que ce serait quoi? Aujourd'hui ou toujours, est-ce que ce serait vivre finalement? Ben, vivre était le titre provisoire avant fuir. Je vous ai parlé que je n'avais pas trouvé le titre tout de suite, et le titre de travail de fuir était vivre. Et j'ai trouvé que fuir était mieux, donc je vais pas me contredire. Et donc, mais finalement, on en arrive au fait que peut-être ils sont très liés les deux verbes. En tout cas pour moi, puisque vivre était le titre provisoire et fuir le titre définitif. Fin de cette rencontre d'Arnaud Laporte avec Jean-Philippe Toussaint. À voix nue, prise de son Frédéric Kérou, réalisation Rafik Zénine, coordination Sandrine Trainer. Cette émission s'écoute en ligne pendant une durée de 1000 jours et ce podcast pendant un an sur franceculture.fr.